les sons environnants. C'est ainsi que le plus simplement du monde, le plus naturellement du monde, vous atteignez cet état où les parties conscientes de l'esprit retrouvent les parties non conscientes. Progressivement, ce sentiment d'être libre devient naturel, comme si cela faisait déjà partie de vous. Vous avez élargi le champ des possibles. Vous avez repoussé vos propres limites. Maintenant, qu'allez-vous ?